Chapitre 16e, le neuf Thermidor. À minuit, Kernan rentrait au Porzig. Il déclara qu'il venait de tuer Carval. Marie, frissonnante, rentra dans sa chambre. Dès qu'elle fut partie, le Breton saisit le bras du chevalier. « C'est demain l'exécution, » dit-il. Henri devint pâle de terreur. « C'est demain, » reprit Kernan, « mais j'arracherai notre maître à la mort, au pied même de l'échafaud, où je mourrai. »« J'irai avec vous, Kernan, » dit Henri. « Et Marie, que deviendra-t-elle ?»« Marie, Marie, » fit le jeune homme. « Il faut bien que vous restiez là, si je venais à mourir. Mais qu'elle ne sache rien, la pauvre enfant. Demain, elle sera orpheline, ou son père lui sera rendu. » Henri voulut insister encore, mais il se débattait contre lui-même, et la raison, d'accord avec ses sentiments, lui faisait une loi de demeurer près de sa fiancée. Ni Kernan ni Henri ne dormirent pendant cette nuit funeste. Le Breton pria avec ferveur. Au matin, Kernan embrassa Marie, serra la main du chevalier et reprit le chemin de Recouvrance. Il n'avait pas de projet arrêté. Les circonstances le décideraient à agir. À 6 heures, il entra dans la ville et se dirigea vers la prison. Pendant 2 heures, il attendit. Il vit venir la charrette peinte en rouge. À 8 heures, elle ressortait avec une charge de condamnés. Le comte de Chantelaine était parmi eux. Les gardes nationaux les entouraient, et le funèbre cortège se dirigea vers l'échafaud. Un moment, le comte aperçut Kernan dans la foule. Une interrogation rapide passa dans son regard. Que pouvait-il demander, sinon ce qu'était devenu son enfant? Un signe de Kernan lui apprit qu'elle était en sûreté. Le comte le comprit, car un sourire passa sur ses lèvres. Il se mit à prier avec une ferveur dans laquelle entrait une vive reconnaissance. La charrette s'avançait au milieu d'une foule considérable. Les sans-culottes de la ville, les clubistes, tout le rebut de la population insultaient les condamnés, les menaçaient et leur prodiguaient les plus grossières injures. Le comte surtout, noble et prêtre, était en butte à leurs plus haineuses vociférations. Kernan marchait auprès de la charrette. Au détour d'une rue, l'instrument de mort apparut. Il n'était pas à 200 pas. Tout à coup, un temps d'arrêt se fit, la foule s'arrêta. Il se passait quelque chose. On s'interrogeait. Des cris se mêlaient aux hurlements. On entendait même ces paroles « Assez, assez !»« Faites rebrousser chemin aux condamnés !»« À bas les tyrans ! À bas Robespierre ! Vive la République !» Un mot expliqua tout. Le 9 Thermidor venait d'éclater à Paris. Le télégraphe, que 2 ans auparavant Chappe avait fait adopter à la Convention, apportait à l'instant la grande nouvelle. Robespierre, Couthon, Saint-Just venaient à leur tour de périr sur l'échafaud. Il y eut immédiatement une sorte de réaction. On était dégoûté du sang. La pitié l'emporta un instant sur la colère. La charrette fatale s'arrêta. Kernan s'élança aussitôt, enleva le comte avec une force irrésistible au milieu des bravos et des cris, et une demi-heure après, le comte était dans les bras de sa fille. Pendant les quelques jours d'étonnement qui succédèrent au 9 Thermidor, le comte et les siens purent quitter le pays et enfin passer en Angleterre. Dieu avait donné à leurs infortunes un dénouement qu'ils ne pouvaient espérer de la part des hommes. Ici finit cet épisode, pris au plus mauvais jour de la terreur. Ce qui suivit, chacun le devine. Le mariage de Henri de Trégolan et de Marie se fit en Angleterre, où toute la famille resta pendant quelques années. Dès que les émigrés purent regagner leur pays, le comte fut un des premiers à rentrer en France. Il remint Chantelaine avec sa fille, Henri et le brave Kernan. Là, ils vécurent heureux et tranquilles. Le comte administra tranquillement sa petite paroisse, préférant cet humble rôle aux dignités qui lui furent offertes, et les pêcheurs de la côte parlent encore avec regret et reconnaissance du noble curé de Chantelaine. Ainsi s'achève le comte de Chantelaine par Jules Verne.